Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini-Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site Internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. On va parler de hockey, c'est la rétrospective de l'année avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, on va y aller avec ce qui s'est passé dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, c'était une année où on pensait que c'était une année quasiment historique parce que les Golden Knights de Las Vegas ont remporté la Coupe Stanley. Ça s'est été, pas remporté, mais je veux dire, ça s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Il n'y a pas personne qui aurait prédit que les Golden Knights sont rentrés en finale. Il y a du monde qui disait quelque part que ça allait casser, puis ça n'a jamais cassé, jusqu'en finale. Ben oui, écoute, c'était une année cendrillon pour Vegas. On s'aperçoit comment c'est difficile hein, de répéter année après année, parce qu'on s'aperçoit que cette année, le rêve est passé. Là, on est revenu à la réalité, puis c'est une réalité qui est complètement différente pour eux cette année. Alors, c'était vraiment, vraiment une année remarquable pour cette équipe-là. Mais aussi, Danny, c'était remarquable pour les Capitals de Washington. Parce qu'il y avait toujours l'épine en dessous du pied pour Ovechkin. On comparait Ovechkin à Crosby, puis Ovechkin n'a jamais gagné. C'est pas un gagnant. Pourtant, il avait une carrière exceptionnelle. Il marquait des buts à profusion année après année sans être capable d'amener son équipe jusqu'au bout. Alors, pour Vegas, de s'être rendu en finale de la Coupe Stanley, mais pour Washington, d'avoir remporté la Coupe Stanley et d'avoir redonné les lettres de noblesse à Ovechkin, c'était une belle année pour ça. OK. Donc, écoute Ovechkin, parce qu'il y a des grands joueurs. Hein. On dit tout le temps qu'il y a des grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des... c'est pas des mauvais joueurs. Je pense entre autres à Marcel Dionne, je pense à Gilbert Perreault. Des gars qui, également, qui d'autres qu'on connaît. Là. Raymond Bourque a fallu l'échanger. Là. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire parce que tu n'as pas gagné la Coupe Stanley que tu n'es pas un grand joueur. C'est tout simplement, c'est un concours de circonstances aussi. Là. Ben oui, puis ça va avec toute ton équipe. Là. Écoute, c'est des joueurs qui ont réussi à faire gagner leur équipe tout seul. Il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est fou que tu tombes dans des bonnes années avec tes équipes. Tu sais, Gretzky, oui, c'est vrai que c'était tout un joueur d'hockey, mais quand tu regardes l'équipe qu'il y avait là, tu sais, Gretzky, il n'a pas gagné la Coupe Stanley avec Saint-Louis ou avec les Rangers, là. Tu sais, pourtant, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Alors, c'est pas facile de remporter ce trophée-là. Tu sais, t'as une trentaine d'équipes qui se battent pour le gagner. Et puis, il faut que les as soient alignés. Même si t'as une bonne équipe, il faut que tous les as soient alignés pour que tu la remportes. Alors, ça ne veut pas dire que parce que tu ne l'as pas gagné, que tu n'es pas un bon leader. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été un bon joueur. Mais ça veut dire que tu n'as pas été dans les meilleures équipes dans le moment important. Ça a été une année très décevante, très frustrante pour le Canadien de Montréal cette année. Écoute, on n'a pas fait les séries. Ça s'est amené à deux transactions majeures qu'on est en train actuellement, que jusqu'à là, je peux dire qu'ils ont porté fruit quand même pour le Canadien. Là. On ne se contente pas d'histoire. C'était, écoute, À quelque part, est-ce que le Canadien était une moins bonne équipe que leur fiche l'indiquait, ou bien ça a tellement mal été? Tu sais, quand tout va mal, là, c'était ça avec le Canadien cette année. Oui, c'est sûr et certain que on le sait que le hockey, là, c'est fragile. Hein? C'est fragile autant mentalement. Puis tu as le meilleur exemple, OK? Là, on parle oui, du Canadien, c'était une année difficile. Mais sur papier, quand tu regardes ça, tu peux pas être convaincu que le Canadien a une équipe pour se rendre loin. Et même pour faire les séries, ils ont beaucoup amélioré leur équipe. Puis chapeau à Marc Bergevin, parce que quand c'était le temps de le critiquer sur ses décisions, on le faisait là, à outrance. Mais là, il faut quand même admettre que on semble voir quand même un peu de lumière là, dans le tunnel. Là, et puis on espère, c'est sûr qu'ils vont s'en sortir, mais il reste beaucoup d'ouvrages à faire. Mais où est-ce que je veux t'amener, Danny? C'est pour te dire comment c'est fragile. C'est l'histoire des Blackhawks de Chicago. Ouais. C'est quand même la même équipe que pratiquement que les années passées, là. Mais cette équipe-là est atteinte mentalement, est fragile mentalement, puis on le voit avec les résultats. Il n'y a plus rien qui marche, puis pourtant, Kane est encore là, Taze est encore là. Seabrook. Alors, on parle de la même équipe, mais une équipe qui a commencé à douter d'elle-même, qui a probablement un petit conflit à l'interne qu'on connaît pas, changement d'entraîneur qui était là depuis plusieurs années. Alors, ils ne sont même pas en reconstruction et ils sont dans les bas-fonds présentement. Alors, eux autres, là, il va y avoir de l'ouvrage à faire tantôt. Là, il va se passer quelque chose. Ben moi, je pense qu'on va en parler dans le deuxième bloc, Marc. Je pense qu'il va y avoir, avoir des équipes vendeuses après les fêtes. Et les Blackhawks de Chicago en est une, parce qu'il y a plusieurs joueurs. Là. Je pense, entre autres, à Dalton Keith, Glenn Seabrook, qui pourraient intéresser des équipes. Ça, on va en reparler plus en détail tout à l'heure. Également, ben, les Oilers d'Edmonton, ça a été une grande déception, encore une fois. Hein. T'sais, moi, j'en étais un partisan du Canadien qui disait que qu'il fallait peut-être finir dans la cave. Les Oilers de Edmonton ont terminé année après année souvent dans la cave ou pas loin de la cave, puis ils ont repêché des bons joueurs, puis le Jello n'a jamais pogné avec les Oilers de Edmonton. Et encore une fois, cette année, c'était difficile. On n'a pas fait des séries, ça a amené au congédiement de l'instructeur Todd McLellan. Et c'est Ken Hitchcock qui est là. Ça semble un peu mieux aller, mais il y a quelque chose qui ne marche pas à Edmonton. Non, il y a quelque chose qui colle pas. C'était difficile à cibler. Ben, lorsqu'on regarde ça vite fait, c'est sûr que d'un but, ils sont très ordinaires, puis à défense, ils sont ordinaires. Ouais. Ils ont une très, très bonne offensive, mais ils sont pas bien balancés comme équipe. Alors, c'est pour ça que ça sera toujours difficile. C'est un peu la même situation avec les Flyers qui ont quand même une bonne offensive, mais défensivement, ils sont très, très ordinaires en frais de défenseur et de gardien de but. Alors, tu sais, ça prend un gardien. À la base, ça prend un stopper. Puis c'est pour ça que les gens critiquent beaucoup à Montréal. Est-ce qu'on devrait changer Price? On devrait-tu les changer ou pas? Il faut faire attention parce que garder là, ces équipes-là là, qui n'ont pas de gardien, c'est beaucoup plus difficile de reconstruire ton équipe lorsque tu n'as pas de gardien. À Montréal, il y en a un, c'est Price. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on dise qu'il soit constant ou pas, c'est quand même un gardien d'importance. Et si tu veux reconstruire une équipe, rebâtir autour de quelque chose, tu dois avoir un gardien de premier plan. Et on l'a à Montréal. Alors, c'est pour ça qu'échanger un Price, ça viendra faire un gros, gros, gros trou ensuite de ça. Parce que si tu regardes la relève à Montréal, c'est pas la mer à boire dans les buts. Là, c'est quoi? Tu vas être obligé de payer un prix de fou pour aller te rechercher un autre gardien. Alors que tu luttes dans ta cour présentement. Je peux te dire une chose, que si Price est sur le marché demain matin, Edmonton et Philadelphie, bon, sûrement aller à pêche là, dans ce de dossier-là, mais on s'aperçoit que lorsque tu n'as pas un gardien de premier plan, c'est le plus difficile. OK. Il y en a un gardien qui est intéressant, c'est Kaelin Primo. On ne sait pas encore une fois, le fils à Keith Primo, mais on ne sait toujours pas à quelque part si il va être... tu sais, être excellent dans la NCAA, puis être aligné sur, il y a une marge importante, mais tu l'indiques qu'il est intéressant. Marc, on va faire une pause et on va parler de ce qui s'en vient en deuxième moitié de saison. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective du hockey avec notre ami Marc Fortier. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu, la coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 88-679-4194. Les employés et la direction du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses membres. Paix, santé et amour et une bonne saison 2019. Suivez-nous afin de profiter des différentes promotions pendant la prochaine année. Le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, 776 rue principale à Saint-Prime, 418-251-2831 ou visitez legolfsaintprime.qc.ca ainsi que la page Facebook. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Denis. BR Metal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. On est de retour à danradiosport.com avec notre ami Marc Fortier. Marc, au moment où on enregistre ce podcast, les Canadiens luttent pour la place en série. Comment tu vois ça actuellement? Ben, écoute, c'est sûr et certain que ce ne sera pas facile, hein, parce que ouais. En deuxième moitié de saison, là, ça joue du hockey plus serré. Par contre, quand on regarde ça froidement, Danny, ils sont peut-être dans la bonne conférence pour faire les séries. Et pourquoi? Parce que lorsque tu regardes les équipes qui courent après le Canadien présentement, l'équipe qui devrait pas, qui devrait être dans les séries qui ne l'est pas présentement, c'est les Penguins de Pittsburgh qui sont en retard. Mais si tu regardes ça, toutes les autres équipes, c'est des équipes qui se cherchent, c'est des équipes qui vont nulle part présentement. On regarde les Red Wings de Détroit, la Caroline, la Floride, Ottawa, où ils se cherchent un peu. Alors, c'est les équipes qui se battent pour essayer d'avoir cette place-là dans la série et qui sont peut-être pas meilleures que le Canadien. C'est un peu ça que je veux dire. Alors que, dans l'autre conférence, les équipes là, qui courent pour le dernier rang, là, t'as des équipes quand même qui sont des équipes qui devraient être meilleures que ça. Hein? On regarde Chicago, devrait être meilleur. Les Kings de Los Angeles devraient être meilleurs. On a vu le Wild du Minnesota dernièrement contre le Canadien. On se dit c'est quasiment pas croyable que cette équipe-là soit pas dans les séries présentement parce qu'ils ont toute une machine de hockey, mais c'est difficile dans l'Ouest, c'est difficile là, de faire sa place. Alors, dans l'Ouest, là, il y a 5-6 équipes, ou je dirais peut-être plus 3-4 équipes qui ont le potentiel d'être capables de revenir en deuxième moitié de saison. Parce que sur papier, ils ont des bonnes équipes. Tu sais, les Blues de Saint-Louis sont pas si méchants que ça. Alors, je t'ai nommé Chicago, je t'ai nommé Los Angeles, je t'ai nommé Minnesota. Tu sais, c'est des équipes qui peuvent tourner leur saison. Dallas sont même pas dans les séries encore cette année. Alors que dans l'autre conférence, à part les Pingouins, les autres équipes, ce sont des équipes qui ce sera pas plus facile pour eux que pour le Canadien en deuxième moitié de saison. Et le Canadien, deux choses qu'il faut améliorer. Il faut absolument améliorer les unités spéciales, particulièrement l'avantage numérique. C'est pathétique à voir ça. Écoute bien, il faut au moins améliorer ça. C'est rendu quasiment une vraie farce. Et le côté gauche, où ce que André Markov n'a jamais été remplacé. Je te parlais des Blackhawks de Chicago tantôt. Là. Si j'aime pas ça faire ça, là, Marc, là, parce que moi, je suis un gars quand même qui sait que c'est facile d'être assis chez nous puis faire des transactions. Je suis pas ce style-là. Mais je regarde un gars comme Danton Keith. Ça pourrait être intéressant pour le Canadien. Pour le Canadien, les Blackhawks ont de la place. Les Canadiens ont de la place à la masse salariale, beaucoup. Les Blackhawks sont en reconstruction, tout dépendant du prix. Marc Bergevin vient des Blackhawks de Chicago. Tu sais, je dis pas là, que ça va se faire, puis je commence pas à faire des à supposer des transactions, puis tout ça, mais tout dépendant du. Ça pourrait être très intéressant, puis c'est un joueur qui pourrait être disponible, ça, d'après moi. C'est sûr et certain que Marc Bergevin va aller tâter le terrain de tous les défenseurs potentiels, parce que, pour être honnête, il manque côté gauche. Puis il manque un défenseur top 4 là, pour supporter un peu Weber. Il manque ce défenseur-là. Alors, On a beaucoup de défenseurs, là, 5, 6, 4, 5, 6, si je te dirais, mais dans ton top 3, là, après Weber, tu tombes mince un peu. Alors, c'est sûr que Marc va sûrement aller tâter le terrain sur les différents potentiels, défenseurs potentiels qui vont être disponibles à la période des transactions. Mais tu sais, ça revient toujours à la même affaire, Danny, hein, c'est le prix à payer. Hein. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour aller chercher un Duncan Keith qui est quand même pas un jeune défenseur? On rentre un gars en fin de carrière. Est-ce que capable de deux, il y a deux, trois bonnes saisons encore, Duncan Keith? Oui, il a deux, trois bonnes saisons, mais tu vas donner quoi? Ouais, c'est ça. C'est sûr que les Blackhawks ne prendront pas un vieux, là. Ils vont prendre un jeune. Alors, est-ce que tu es prêt pour deux, trois saisons à sacrifier un jeune potentiel ou un choix de première ronde? C'est ça qu'il faut que tu fasses dans ton évaluation, là. Mais est-ce que Duncan Keith ou Seabrook, même, on le prendrait à notre équipe pour les trois prochaines années? Ben oui, on le ferait. Mais est-ce que le prix à payer n'en vaut la peine? C'est ça qu'il faut se poser comme question. OK. Donc, on va surveiller ça de très très près. Il y a deux, trois petits points que j'ai oubliés dans la rétrospective de l'année que je veux te parler. Seattle qui a fait son entrée dans la Ligue, s'est annoncé. Ça veut dire, écoute, c'est pratiquement une anomalie. Quand on regarde les sièges sociaux qu'il y a à Seattle, et il y a quand même une historique de hockey avec les Winterhawks. Ils ont déjà joué dans la Ligue nationale également. C'était pas vraiment une surprise. Puis le prochain, c'est Houston. Hein? Ben, écoute, Danny, nous autres, on est Québécois, puis on adore la ville de Québec, puis on pleure encore le départ des Nordiques. On a l'amphithéâtre, on a tous les éléments pour ça. Mais si t'es à tête froide, puis t'es pas partisan de Québec, puis t'es Gary Bettman, puis tu regardes le potentiel de nouvel argent que tu peux amener dans la Ligue nationale, comme on dit, c'est un no-brainer, là. Seattle, c'est une bonne chose. Il rentrait là dans la Ligue nationale parce que... Il y a de l'argent là. Il y a de l'argent là, puis ça amène une nouvelle tarte, là, que t'as pas besoin de séparer. Au Québec, notre tarte, on l'a déjà, là. Alors, c'est le Canadien de Montréal qui la possède. Alors, si t'amènes les Nordiques, t'amènes pas une nouvelle tarte, tu fais seulement séparer la tarte que t'as déjà. Alors, c'est pas beaucoup de nouvel argent. Mmh. Alors que Seattle, c'est de l'argent, t'as du potentiel là, et c'est sûr et certain que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue nationale de hockey. Et est-ce que créer un débalancement dans l'Ouest, ça ne peut qu'être positif pour Québec éventuellement d'avoir une équipe? Parce que si tu ramènes une autre équipe dans l'Ouest, en plus de Seattle, tu ramènes Kansas City ou peu importe, ben là, tu vas peut-être bien aller balancer dans l'Est avec Québec. OK. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que quelque part, faut peut-être regarder ce côté-là. Tu penses que les frères Molson, ce qu'il dit en public puis ce qu'il pense vraiment, c'est deux? Ben oui, c'est sûr. Il peut pas dire en public ce qu'il pense personnellement. Ben là, toi, Danny... Ben non, c'est clair. Ben oui, t'as vu tout. Toi, là, t'as ta tarte au complet, ben tu vas la partager avec tout le monde. Tu vas la garder, mais tu peux pas aller le dire en public que t'es prêt à partager ces revenus-là. Là, tu seras câble. Ton équipe, elle vaut 1,3 milliard. Puis peut-être que si les Nordiques reviennent, ton équipe va baisser à 900 millions. Tu serais fou de dire que t'es content, là. Fait que c'est la réalité. Tu sais, c'est à la base, ce sont des hommes d'affaires, là. Puis en affaires, il y a pas de pitié. Puis ça marche comme ça. Alors, c'est sûr et certain que Jeff Monson, et avec raison, n'est peut-être pas favorable au retour des Nordiques si on parle monétairement parlant. Ouais. Mais si on parle de hockey, puis la rivalité, puis tout ce que ça va amener, c'est sûr et certain que il ne peut pas être contre le retour d'une équipe à Québec. Ça, OK, c'est clair. Puis Houston, écoute, les prochains, c'est Houston. Les Coyotes de Phoenix, on a vu encore hier des images de Phoenix. C'est vraiment triste. Même si Phoenix, c'est pas le marché de télévision actuellement, tu sais, c'est Bettman, lui, même si les assistances, c'est plus vraiment la source de revenus numéro un. À quelque part, il y a quand même une image qu'il faut regarder pour la Ligue nationale. Puis voir un aréna vide, c'est pas bon pour l'image, là, quelque part, Marc. Est-ce que tu penses que c'est une question de temps avec s'en aller à Houston? Moi, je pense que c'est une question de temps. Ils ont pas été transférés dans Centrale pour rien. Moi, je vois ça venir comme, d'après moi, d'ici un an ou deux, cette équipe-là va aller à Houston pour avoir une rivalité avec les Stars. C'est très possible. Puis la Ligue nationale, là, elle est peut-être patiente tant aussi longtemps qu'elle n'a pas besoin de fouiller dans ses poches pour aider une équipe. T'sais, elle l'a fait, là. Avec les Coyotes, elle est obligée de les aider, puis ils n'ont pas trop aimé ça. Là, ils semblent s'être replacés un petit peu, mais c'est sûr et certain que si la Ligue nationale est obligée de retourner dans ses coffres pour aider une équipe à survivre, elle ne le fera pas longtemps, surtout si elle a des marchés qui vont être prêts à rentrer, comme tu dis, comme Houston, comme Kansas City, qui sont des potentiels marchés à un retour du hockey. Alors, c'est sûr qu'eux autres, ils vont peut-être moins patients avec une équipe comme Arizona, si ça va pas mieux. Et Québec, comment tu vois ça? Moi, je pense que PKP n'est plus intéressé. PKP n'est plus intéressé à Québec, mais il n'est pas pour le dire publiquement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'il perdrait la... Tu vis à Québec, Marc, tu sais très bien ce qui se passe. Il y a la gestion du centre Vidéotron. S'il dit publiquement qu'il ne veut plus Nordique, ce gars-là, il se fait sortir coupé dans le derrière de Québec. D'accord? Oui. Ben, je ne sais pas s'il peut intéresser Danny. Sauf que plus que ça retarde, plus ça coûte cher. Alors, là, son 500 millions qu'il était prêt à mettre, il est rendu à 650 millions. Puis dans deux ans, il va peut-être être rendu à 750, 800. Puis plus que tu attends, plus que ça coûte cher. Alors, c'est plus pareil. Là, c'est pas le même game. Lorsque tu as fait tes calculs, tu te dis à 500 millions, on est prêt à prendre le risque. Mais tu es rendu à 800 millions. C'est plus la même game. Là. Fait que plus ça va... moins d'intérêt, je pense, qu'il pourrait y avoir. Sauf que c'est une grosse business, hein, puis ça représente plus que du hockey, là, québécois, là. Ça représente quand même des journaux, ça représente la radio, ça représente la télévision, ça représente beaucoup d'autres revenus potentiels à amener une équipe à Québec qui pourrait être intéressante pour le groupe québécois. Alors, je suis pas sûr qu'ils ont mis une croix sur le retour des Nordiques à Québec, mais je te dirais que plus ça va et moins possible ça va. Ah, regarde, puis avec ce groupe-là, là. Ah ouais, regarde. S'il arrive qu'il y a d'autres gros joueurs qui s'en viennent, qui sont prêts à le faire, parce que l'argent, il y en a là, des places, là, tu sais. Mais c'est sûr que est-ce que c'est intéressant à Québec, ça sera sûr. OK. Marc! Merci beaucoup encore une fois de ta collaboration. Ça fait fort apprécié encore une fois cette année. On va recommencer ça en 2019. Et je te souhaite de joyeuses fêtes. Bonne année. Des bonnes parties de golf parce que je sais que tu arrives de l'Arizona. Puis on se reparle immédiatement en 2019. Ben, ça fait plaisir, Danny. Je te félicite parce que c'est pas facile. T'es pas un gros marché. Tu le vois, toi, dans la radio, que c'est pas facile. Ouais, mais moi, je fais ça pour l'amour du sport, Marc. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas d'argent avec ça, là. Je fais ça pour l'amour du sport et des médias. Puis, t'es un des plus vieux collaborateurs. T'es sinon le plus vieux avec Phil Desgagnés. Fait que, merci beaucoup encore. Je te félicite. Puis, c'est pas facile, Danny, parce que tu réussis à aller chercher des invités quand même qui sont intéressants, là. J'écoute souvent, moi, à travers Facebook, là, tes entrevues que tu fais, puis tu as le don d'être capable d'avoir des bons débats, et puis c'est tout en ton honneur, puis lâche pas, tu fais très bien ça. Ben, merci beaucoup, Marc, notre collaborateur Marc Fortier.